économiser, oh, économiser. Je l'ai marié oh, jusqu'à mon âge infini. Oh, amie, tu es parti. Oh, tu m'as laissé tomber. Pas au diaso, c'est toi que je préfère.